Jack, c'est le G. J'ai perdu de grands frères, j'ai plus des grands bras, on va faire des grandes guerres, le téléphone a sonné, encore une mauvaise nouvelle. J'ai perdu un grand frère, j'ai perdu de grands frères. On est muni de grandes armes, on va faire des grandes guerres. Le téléphone a sonné, encore une mauvaise nouvelle. On part du nouveau hôtel, ils ont fumé son neveu. Fais pas le fou, t'es pas fou, au fond de toi tu le sais. Pas de nif, pas de couilles, toi t'es beau gars sucé. Partout y'a des patrouilles, donc on passe au plan B. Si je parle encore avec vous, c'est que j'ai toujours pas percé. Non, je reconnais, voilà je reconnais. Les faux gros bonnets, voilà que toi, on t'a trop donné. On peut pas te pardonner, c'est des haineurs. Donc j'ai cartonné, les GC payés subminer. Là je suis dans la merde, il est tard, on a marre. Pélana. Fallo, tu vas faire des faux blindés toute la journée, tout part de mettre du PGP, faut qu'on blinde. Chacun sa vie, va jouer ailleurs, chacun sa mort, chacun sa maille, chacun sa manière d'éviter la avalée, d'assumer les représailles. Pas mon ami, jamais. T'es pas mon ami, jamais, jamais. T'es pas mon ami, toi. T'es pas mon ami, toi. T'es pas mon ami.